Sébastien, c'est reparti pour une deuxième, j'allais dire une deuxième mi-temps, pas du tout, un troisième match de la journée. Est-ce que tu as reconnu ce qu'on écoute? Non, j'arrive pas à remettre là, j'ai un gros doute. Mais tu les as vus samedi dernier en concert? Ah, c'est l'hier? C'est l'hier. Ah, c'est l'hier. Je dis quelque chose, mais c'est impossible de remettre. Ouais, c'est l'hier qui ont malheureusement fait leur dernier concert samedi dernier et c'était vraiment super bien. Oh, c'était génial. Voilà. C'était énorme. Après, avant une pause qu'ils ne savent pas eux-mêmes combien de temps, ils ont dit qu'ils reviendraient, mais qu'ils savaient pas quand. Enfin, ça pue du cul en général, ce genre de Non, je sais pas, ils ont l'air motivés quand même. Ça s'est bien passé, donc il n'y a pas eu une rupture entre les musiciens, donc bon. Je me dis qu'il y a toujours une chance qu'ils reviennent une fois qu'ils ont fait leur petite tambouille. D'accord. Ah, parce que tu étais toi, tu sais, quand ils sont décidés. Bien sûr. Ouais, okay. Moi, j'étais partout. Moi, je suis partout. Moi, j'ai le diesel. C'est que sont partout. On est reparti pour un nouveau match. Cette fois-ci, c'est les Full Metal Punkettes de Tarr contre les Contrabandista de Bayonne. Contrabandista de Bayonne qui sont donc... Alors, je vais sortir mon petit tableau maintenant que je l'ai. Contrabandista de Bayonne qui sont donc 5e. Au classement, on va dire à égalité dans le nombre de matchs gagnés avec le Sambé et les Valiant Beaches, mais derrière un nombre de points, ils sont en plus 19 en termes de. Oula, qu'est-ce que. Goal average, merci. Alors que les Full Metal Punkettes de Tarbes ont 5 matchs joués et 0 gagnés. Ça fait un peu mal. Elles ont goal average de moins 673. Oui, mais elles sont assez récentes dans le circuit aussi, il me semble. Elles ont une équipe qui... Tarbes ? Ouais, Tarbes. Non, Tarbes, ça fait un petit moment qu'elles sont là. En tout cas, moi, depuis que je suis le championnat, elles sont là. Tu confonds ça avec les Seagulls ? Non, mais oui, non, mais ça, les Seagulls, c'est autre chose encore. Mais Tarbes, est-ce qu'elles n'ont pas peut-être des difficultés, en fait, hein, de ne pas avoir gardé les joueuses sur le long terme ? Du coup, c'est comme si elles redémarraient à zéro à chaque fois, quoi. À chaque saison. Ah, il me semble pas. Enfin, je t'avoue que pour le coup, j'en sais rien. J'ai pas envoyé mes elfes là-bas. Donc, je t'avoue t'es que partout, Mathilde, normalement. Je suis censé être partout, oui, mais. C'est trop loin, Tarbes, c'est ça. Mais parfois, je sous-traite et les sous-traitants sont pas toujours à qualité escomptée. Ouais, c'est vrai que du côté des Hautes-Pyrénées, là-bas, c'est pas terrible. Ouais. Un peu loin. Donc, on va être parti dans quelques secondes pour un nouveau match entre Contrabandista de Bayonne et Full Metal Punkettes de Tarbes. Avantage a priori pour les Contrabandista de Bayonne qui ont donc 3 matchs gagnés sur 5 contre les Full Metal Punkettes sont loin derrière. On va voir ce que ça a donné, est-ce qu'elles vont réussir à se défendre, à quel point. Et voilà, allez, c'est parti, je vais couper la musique, c'était hier. Et le match est parti, nous avons Hello de Vie en jameuse du côté des Full Metal Punkettes contre Raton du côté des Contrabandista. Et c'est Raton qui passe et qui gagne le lead, le tout premier lead de ce match. Elle est suivie, pas trop loin derrière, presque un track de retard quand même pour Vaselina qui a récupéré l'étoile après un star pass. Alors j'allais dire aux gens qui regardent la diffusion sur la chaîne YouTube des Valiant. Voilà, on rappelle Roller Derby Côte Basque si vous voulez suivre la vidéo sur YouTube. Voilà, alors les Full Metal Punkettes sont en rouge et les Contrabandista sont en noir. Exactement. Voilà, ça va peut-être vous aider à mieux suivre et savoir de qui on parle. Exactement. Raton qui continue d'engranger des points, 8-0 sur ce tout premier jam pour les Contrabandista. C'est Raton qui est au jam du côté de Bayonne. Aïe, il y a des chutes, il y a des côtés, il y a des chutes de plus de prix. Des Full Metal Punkettes. Il y a déjà des gens en prison. Ah, ben on a un Power Jam. Aïe, ça commence très mal pour Tarbes, puisque leur jammeuse est en prison. Donc Power Jam pour Bayonne. Ça commence mal pour Tarbes, hein. On va pas se mentir. Si sur le premier coup, elle engrange 16 points déjà, ce qui va, à mon avis, pas tarder à arriver. Ouais, et c'est voilà, fait, c'est voilà. Fait. Ça fait un premier jam assez difficile pour Full Metal Punkettes, qui n'ont toujours pas fait leur premier passage, je crois. Non, toujours pas. Donc non, ouais, non. Ça laisse encore pas mal de marge. En gros, on est toujours en power jam, quoi. Ouais. La boîte de retour, hop, et ça passe encore, ça fait 20 points. Alors là, ça fait un premier jam. Ah ouais, ça fait. Ah là, les Contrabandista, je pense qu'elles foutent déjà un coup au foie directement. Direct, dès le début. Voilà, et ça voilà, fait 24 points. Elle est arrivée jusqu'au bout, je crois, du chrono. 2 minutes. Bah écoute, tant qu'elle est fraîche, elle a peut-être raison d'en profiter. Pour je crois que. 20... Ah, 4 points quand même du côté Full Metal Punkettes. Ah bon, 4. Ah tiens, je suis étonné aussi. Ouais, moi aussi. 20 à 4, tiens, je pensais qu'elle avait à peine passé son. Qu'elle avait à peine fait son premier tour. Ouais, moi je croyais que c'était 24-0, donc. Ok, bon, bah, surpris. Mais ça fait quand même 16 points de prix sur un premier jam. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. 20 à 4, premier jam difficile pour Fumital Punket. Contre Richter qui démarre très bien, qui impose dès le début son espérance, son espoir de dominer en tout cas. On va voir comment ça tourne. Ah, viens, il y a des trucs qui tombent par terre. Ouais, mais protection de genouillère, on dirait. Protection de genouillère qui tombe par terre. J'espère que ça va pas être dangereux. Non, a priori, c'est que la coque qui est devant, même si, bon, a priori, ça protège quand même. C'était hors track, heureusement, c'était dans la zone des arbitres. Ouais, ouais, ils ont pas pu tomber à cause de ça. Personne qui passe pour l'instant, hein, une belle défense des deux côtés. C'est ça. Une belle défense des deux côtés. C'est passé finalement. C'est passé pour Machatari du côté des Full Metal Punket. Ouais, pour et ah non, j'ai cru que Bounty Hunter allait passer pour Bayonne, mais non, elle se fait recycler. Et non, Bounty Hunter qui ne passe pas, qui persiste à vouloir bourriner alors qu'elle a quand même de passage à côté, là finalement, elle a réussi à passer à côté. Ouais. Un tour de retard pour le contrebandista qui va bientôt être comblé. Et ça passe du côté de Machatari. Non, ça passe pas. Bounty Hunter derrière qui en profite pour rattraper tout ça. Aïe. C'est dommage, ça avait bien commencé ce jam pour Machatari, pour les Full Metal Punket. Et ça passe pour les Full Metal Punket. Ah, pour Full Metal Punket. Donc, ils marquent leurs 4 premiers points. Elle ne va pas du coup pour l'instant elle ne colle pas. Aïe. Jolie chute de la jameuse du côté de Bayonne, oui. De Bayonne. Et 4 partout donc il me semble. Ouais, c'est ça, 4 partout sur ce jam. Peut-être que Machatari va essayer de passer de coller. Non, elle passe pas. Bayonne défend, Bayonne continue de bien défendre. Ouais, ça passe et ça colle, 4 points de plus, on est en finale avec un 12 à 4. On a le bench mirror, je crois que c'est comme ça qu'on est à côté de nous. Ici, qui est censé donc faire le miroir de ce que le coach ou la coach dit. Oui. Parce que parfois c'est un peu loin, parfois c'est un peu difficile d'entendre le coach. Et donc il va se mettre un peu plus loin pour mirorer. Ouais, gueuler quoi. Pour refléter ce que dit le coach et transmettre l'information. Alors, est-ce que tu notes la différence de niveau par rapport au match précédent? Pour l'instant, oui. Alors, c'est moins, ouais. C'est moins brouillon, c'est moins propre, plus brouillant, c'est moins vivant. Ouais. Il y a moins de, c'est moins fluide, c'est moins d'action finalement. Ouais. Elle passe moins facilement aussi. Cela dit, Raton qui passe, c'est beaucoup moins rapide. Hein, pas, oui, c'est moins rapide. C'est beaucoup moins rapide. Ouais. C'est plus hésitant. Enfin voilà, on sent la différence de niveau quand même. Ouais. Entre le top du classement et le bottom. La Tiner Surprise, cela dit, qui défend très très bien face à Raton qui est de Bayonne. Et ça continue. Raton qui a pris le lead et qui va essayer d'engranger ses 4 premiers points. Ce n'est pas le cas pour Elodevi de Full Metal Punket. Si, aussi. Elle est juste derrière. Elles sont les deux au coude à coude. 4 points, ouais, 4 points les deux. Chacune, Raton voilà. Est juste devant et celle qui a le lead qui peut arrêter quand elle veut. Qu'est-ce qu'elle va faire? Essayer de passer, de coller. Mais parce que son adversaire est déjà au même niveau qu'elle. Peut-être les deux sont dans le peloton là, dans le pack. Peut-être qu'elle essaie de passer rapidement, d'avoir un peu d'avance et de retenter un dernier coup après pour être un peu plus certaine d'avoir quelques points d'avance. Mais pour l'instant ça défend bien. Hein. Pour l'instant vraiment. Ouais, ça défend bien les deux côtés. Les deux côtés ça défend vraiment pas mal. Et ça passe pour Bayonne. On a Pichas. 4 points de plus avec Cole. Pichas du côté des Full Metal Punket qui va en prison après avoir quand même très très bien défendu. Et on est à 8 à 4 contre Amandista qui ont 32 points. À 8 à 7 contre Amandista qui ont 32 points et 19 points pour les Full Metal Punket de Tarbes. On rappelle que contre Amandista c'est Bayonne. C'est moins fluide quand même, surtout au niveau des passages de défense. On n'est pas au même niveau du championnat, effectivement. On n'est plus sur du patineur artistique, là c'est plutôt du contact, du forcing. On essaye de bousculer la défense adverse, de la bouger à la force du corps. Full Metal Punket, Eva Papassé, qui est étrangement un peu presque trop sous-exploité, qui est souvent en pivot. Eva Passé qui pourtant est très douée en tant que jameuse. En face d'elle, El Toco Loco du côté des Contramandista, elle aussi assez dangereuse, assez grande et qui a tendance à bourriner et à passer assez facilement, même si pour le coup elle se fait recycler. Donc une belle défense quand même de la part de Machatari qui est passée. Ça passe pour Tarbes. Ouais, Machatari qui était jameuse et qui est passée pivot et donc Eva Papassé qui a fait l'inverse sur ce jam. Papassé qui est passée finalement. Et qui est suivi de très très Olé, très, ah, très joli, très joli. Ah, et va pas passer, qui fait une jolie feinte et qui colle derrière, qui gagne 4 points et qui fait un joli cœur assez et qui fait un cœur à ses supporters et ses supportrices. On est pris en sandwich entre le bench mirror de Des Full Metal Punkettes et la commentatrice salle de la salle, quoi. Ouais, ouais. Donc ils se parlent, ils se gueulent et nous on est au milieu. Ouais, ouais. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. C'était pas d'accord sur le call de ce jam. Je pense que c'était c'était là qu'il fallait faire. Ils ont gagné 4 points, c'était très bien. Ouais, oui, c'était bien. Oui, mais il y avait une joueuse sur le banc. Du coup, peut-être tourner un peu plus pour la faire sortir. Ouais, mais bon, 4 points. C'est une question de stratégie, de choix de stratégie. Allez, c'est parti, les Full Metal Pockets prennent le lead sur ce nouveau jam, suivi de près par Raton derrière pour Bayonne, qui a fait un faux star pass. Voilà, faux star pass. On rappelle, le star pass, c'est le fait de passer le bonnet étoilé à son pivot, ou à sa pivot plutôt, pour un peu déstabiliser l'adversaire. Ils ont le droit de faire ça seulement à la pivot, mais si elles font ça, elles perdent le lead, donc généralement elles le font quand elles n'ont pas le lead. Dernier recours. Et en faux star pass, c'est quand elle essaye de le faire, mais que finalement ça marche pas, donc elle garde le chapeau avec elle. Et arrête de mettre ses bonbons sous les yeux là. Les spectateurs et les auditeurs, ils vont plus rien entendre. 32 à 25. Et deux points pris pour ce jam pour les Full Metal Punkettes. Et on est reparti pour un nouveau jam. La pivot de Bayonne qui est en prison. Léger avantage pour Tarbes, parce qu'elle va en profiter. J'ai l'impression que Bounty Hunter force, oui, bah, pas qu'une impression. Ah oui. Elle force, elle épuise l'adversaire et elle passe. Et bon, à force de jouer comme ça, ça va laisser des plumes sur le physique. Hein. C'est ça. À un moment donné, il y aura plus de jus. Machatari qui résiste à un beau bouchon de la part du adversaire et qui passe. Alors, ça force là-bas pour la jameuse de Vista. Bounty Hunter, elle force, elle essaie pas de passer à côté, mais non, ça passe. Elle force. Ah non, ça passe, mais ouais. Et on la sent fatiguée déjà. Ouais. On sent qu'elle respire fort. Elle souffle, t'es comme dans l'exercice, vraiment, bien profondément. Elle doit en laisser un paquet d'énergie à forcer comme ça. Et je vois pas ce qu'il y a écrit, il y a des cartons au-dessus de nous. Parce qu'on est sous les gradins, je vois des cartons se balader, je peux pas lire ce qu'il y a dessus. Les supporters et supportrices sont là en tout cas. On est en l'air, ouais, c'est clair. Et du peu que je vois là des gradins, ça a l'air complètement blindé. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi, si vous êtes du côté d'Anglette, à venir ici. Il y a du bon manger, il y a du bon boire. Au gymnase du Pignada. Il y a du bon sport. Ouais. C'est plutôt coolos quoi. Ouais, on est bien là, on est bien. Ouais. Voilà, un match qui finalement s'annonce plus serré que le premier jam avait donné l'impression. 40 à 25, 15 points d'écart, c'est pas tant que ça. Sachant que je crois le tout premier jam, il y a eu combien ? 16 points d'avance déjà ? 16 points, ouais. 16 points d'avance. Jam, 16 points, bam. Donc ça faisait très mal. Comment 8 points pour les contre-handichats de Bayonne, 0 pour les Full Metal Punkettes. Les contre-handichats prennent de l'avance, 40 à 25. Comme pour le premier jam, quoi. Ça va faire 48 à 25 du coup, parce qu'il me sent... Ah non, alors peut-être qu'il y avait déjà ces points-là. 40 à 25, on est à 18 minutes, un peu plus de 18 minutes avant la fin de cette première mi-temps. On rappelle que 19, que... tu peux dire parce que oui, c'est vrai. 18, c'est 49, c'est 19. Oui, je m'attendais à ce que le chrono continue, mais en fait non, il a arrêté. 18 à 59 effectivement. Official timeout, c'est-à-dire que les arbitres ont demandé une pause pour se mettre d'accord entre elles. Ah, ils sont toujours pas décidés sur la couleur du M&M's. Toujours pas décidés. Hein. Moi, je pense que fuchsia, c'est pas mal. Ou gingembre. Couleur gingembre. Gingembre. Gingembre. Ou pétale de rose un beau matin d'hiver. Lavande. Lavande. En Autriche. Pétale de rose un matin d'hiver en Autriche. Ah, 4 points de plus pour les Full Metal Punkettes finalement. Donc 40 à 29, on descend à 11 petits points d'écart. C'est pas énorme. On rappelle quand même que pour l'instant on a les contre-handichats de Bayonne qui ont gagné 3 matchs sur 5 et les Full Metal Punkettes qui n'ont gagné aucun match sur 5. Donc je m'attendais à un écart un peu plus grand que ça. Après, c'est que le début du match. Peut-être que les Bayonnaises en gardent sous le coude un petit peu. Pour peut-être les écraser en deuxième mi-temps, je ne sais pas Quelle est la stratégie? Voilà, si elle continue sur ce rythme-là, à forcer énormément de passer les défenses, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup sur la pédale. Ouais, c'était Bounty Hunter, je crois, qui, James de Bayonne, qui a tendance à beaucoup forcer. Après, peut-être qu'elle a un cardio particulièrement balèze aussi. Oui, elle va réussir à tenir comme ça tout le match, on sait pas. Si ça se trouve, ouais. Bon, on va voir ce que ça a donné. En tout cas, Hello de Vie des Full Metal Punkette a l'air bien parti pour passer. Elle force elle aussi, mais elle réussit. Ça passe. C'est bien joué. Raton du côté des contrabandistas. Où est-ce qu'elle est, Raton? Elle tente un Star Pass, il me semble. Il me semble qu'elle a son étoile à la main. Ouais. Et elle passe. Elle a gardé son étoile. Hello de Vie qui a 4 points. Elle ne colle pas. Tiens, je suis étonné qu'elle ne colle pas. Ouais, la personne elle colle. Elle colle finalement. Elle voulait voir ce qui allait se passer avant de prendre une décision. Elle avait un peu de temps, effectivement. Elle finit par coller. Je pense que c'était la bonne décision. 44 à 33. 11 petits points d'écart. Mais c'était pas déjà 11 points d'écart tout à l'heure? Si, tout à fait. Mais pourquoi ils ont 44 alors? Non, mais il y a. T'es bizarre. Je comprends pas trop là. Il me semblait que c'était 40, que ça faisait 40 à 29 tout à l'heure. Ouais. Peut-être que tout à l'heure. Non, c'est ça. Ou alors elles avaient pas fini de compter tout à l'heure. Peut-être. 44 à 33 pour l'instant. 11 points d'écart. Machatari du côté des Full Metal Punkette contre El Toco Loco. Du côté des contrebandistas. Bayonne contre Tarve. Et c'est El Toco Loco pour Bayonne qui passe. Et ça passe pour Tarve. Ça passe. Mais non, ça passe pas. Ah, c'est dommage. Machatari qui s'est fait bousculer au dernier moment, qui est tombé, ce qui a laissé le temps à ses adversaires de repasser devant elle pour le bloquer. Elle a fini par passer, mais elle a quand même perdu pas mal de temps. Toco Loco qui essaye d'arranger ses 4 premiers points. El Toco Loco qui a mis 4 points et qui colle avant que son adversaire n'arrive. 4 points et 0 pour les Full Metal Punkette. Contre Amandista, toujours devant, 48 à 33. Mais ça résiste bien, hein. Pour l'instant, ça résiste bien du côté des Tarbes. Ouais. Moi, ça reste quand même assez serré, il n'y a pas une envolée sauvage. Non. Du coup, non. Non, vraiment, elles font des. Si Tarbes augmente à peine un petit peu le niveau, je pense qu'il y a moyen qu'elles fassent un peu peur, en tout cas, à Bayonne. Donc, en vrai, pour l'instant, rien n'est perdu pour Tarbes, malgré les statistiques. Qui donne la raison perdante pour l'instant, mais bon, ça on verra. C'est pas encore fini. Il reste combien? 16 minutes 46 sur la première mi-temps. On est encore sur une pause demandée par les arbitres. Qu'est-ce qui se passe côté des arbitres? Je ne sais pas, c'est difficile à dire d'ici. Hein, on ne les entend pas. On n'a pas des micros partout comme dans d'autres sports. On devrait faire ça, ouais. Demande le budget qu'ont les équipes. Je pense que le budget d'un seul micro, c'est le budget de notre week-end entier. Allez, c'est parti. Et ça passe assez facilement pour la James de Bayonne. Ouais, Raton. Qui prend la ligne de Raton, suivi finalement de près par Hello de Vie, la James de Tarbes. C'est ce qu'on remarquera souvent. Tarbes sort souvent assez vite, mais prend rarement le lead. En tout cas, sur les deux matchs, c'était comme ça. Et c'est ce qui faisait perdre. C'est ce qui fait que l'équipe adverse, petit à petit, rentrait des points. Voilà. Espérons pour elle que cette fois-ci ça rentre un peu plus, que leurs joueurs sortent un peu plus souvent en première du pack. 48 à 33, ça fait 15 points d'écart, Seb. Ouais. Oui. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas. Ça fait 13 points, 15 points d'écart, oui. 15 points d'écart. Contre Amandista de Bayonne qui sont devant. Allez, c'est reparti. Machatari du côté des Full Metal Punkette. Bounty Hunter du côté de Bayonne. C'est Machatari qui passe. Très très bien. Allez. Ça défend. Ah, c'est la zone. Et je Bounty vois pas à cause Hunter, du reflet. Ouais, Bounty Hunter qui passe. C'est faisant un peu moins de demi-track différence. Voilà, il va falloir qu'elle rentre dans le tas et qu'elle colle derrière. Et que ça passe. Colle. Non. Ça fait recycler non, alors qu'elle est passée. Recycler, c'est dommage. Faut qu'elle colle là. Parce que l'autre est revenu dans le tas. Qu'elle essaye de. Ouais, peut-être qu'elle va, je pense qu'elle va plutôt essayer de passer. Non, ouais, colle. Voilà le bench mirror, je crois, qui lui disait de coller et là, elle n'entendait pas tout de suite. Alors et qu'elle elle était elle a mis un peu de devant lui, mais elle n'entendait pas. Elle a mis un peu de temps à l'entendre. Et du coup, elle a donné 4 points à l'adversaire, c'est ça? Ouais, 4. 4 à 2. Bon, elle a 2 points d'avance déjà, c'est déjà toujours ça de prix, on va dire. Oui. Full Metal Punkette à 37 points, les Contramandista à 50 points, 13 points d'écart. C'est rapidement rattrapable sur un beau jam. C'est rapidement rattrapable. Le problème, c'est que j'ai rarement vu Tarbes faire des gros jams. Souvent, elles se maintiennent, elles font des petits jams petit à petit, elles arrivent à remonter le score. Des gros jams, c'est un peu plus rare pour elles. Et ça passe pour la jameuse de Tarbes, Hello ouais. Devie. Hello Devie qui prend le lead. Raton derrière, qui est toujours bloqué. Où est-ce qu'il est Raton? Est-ce qu'elle a tenté un star pass? Non, elle se fait recycler. Et elle a son chapeau pour tenter un star pass la prochaine fois. Alors, j'ai perdu la jameuse de Tarbes, elle est passée. Parce qu'elle est en prison. Ah, oh, d'accord, elle s'est fait prisonnière. Parce qu'elle est. Hop, ça c'est à nous ça. Elle est complètement en prison. Et l'eau de vie, Full Metal Punk. On essaie de nous piquer les bonbons, Mathilde. Contre Raton qui est passé, qui met 4 points. Qui est enfin passé, qui met 4 premiers points. Ouais, mais moi je vois pas le banc là. C'est pour ça. C'est bon, deux rouges de Tarbes en prison, une noire de Contramandista en prison aussi. Raton qui commence à sérieusement granger des points, 8 points face à 0. C'est Bayonne qui mène et l'eau de vie qui est revenu sur le track, qui va essayer d'arrêter l'hémorragie, mais c'est peut-être presque trop tard. 12 points pour les Contramandista. Et ça passe pour Tarbes encore. Tarbes qui passe et qui exulte un petit peu. 41 à 62. 12 points pour Contramandista sur ce jam, 4 points pour les Full Metal Punkette, il reste 16 secondes. Et ça passe encore pour Tarbes. Ça passe pour Tarbes, 16 à 8, mais ça passe aussi pour Raton. 20 à 8 et ça va être la fin du jam, on arrive au bout du compteur. 20 à 8, 12 points d'avance. Voilà, 12 points d'avance pour les Contramandista de Bayonne. 70 à 45, ça y est. Hein? Les Contramandista commencent à prendre de l'avance. Ça fait la tangente. 25 points. Là, ça commence à être franchement plus difficile. Ouais, là ça a été une petite claque. 20 points, enfin, du coup, ça fait 12 points de prix. 12 points d'écart de plus, là, ouais, là sur ce jam. 12 points sur un match où elles font rarement plus de 4 points. Bah, ça fait beaucoup. Eva va passer du côté. Ça passe pour Eva va passer. Du côté des Tarbes. Voilà. Eva va passer qui a un nom pas du tout adapté à son poste de jameuse. Ouais, c'est clair. Qui a un nom adapté à son poste de bloqueuse qu'elle a d'habitude. En face, c'est El Toco Loco qui a fait un faux star pass. Alors là-bas, il y a du recyclage. Eva va passer. Chute. Ouais. Va pas passer. Et elle colle. Elle colle. Eva va passer. Elle colle. Est-ce qu'elle a collé assez tôt pour que Raton ne passe pas? Je pense que oui. Cela dit, je suis pas sûr qu'elle ait engrangé, elle, beaucoup de points. Dans 0 pour Bayonne et j'essaie de trouver l'arbitre de. Je crois que c'est lui là-bas. L'arbitre de. Ah, j'arrive plus à parler. Des fonds, les Alpinquettes. Allez, il est là-bas. Voilà. Et je l'ai pas vu scorer. Il est en train de demander aux autres arbitres pour avoir une confirmation. Parce que voilà, c'est parfois un peu difficile de voir dans tout ce capharnaüm. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Donc, ils préfèrent demander aux autres arbitres leur avis pour être sûr de donner assez de points à son équipe. De prendre la bonne décision. Exactement. Là, ils sont 4 et ça discute. À ton avis, moi j'en ai vu tant. Il y a un official timeout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que tu entends les gradins, Seb? Mal. Oui, j'entends la foule en délire, voilà. Il y a du monde, il y a l'ambiance ici, 15h37, on est à Anglet, au gymnase de Pineda. Vous pouvez aussi venir, c'est une entrée à prix libre, il y a des talos, il y a de la boisson, et surtout, il y a du roller derby tout le week-end. Il y a une tombola aussi. Oui, il y a plein de trucs, il y a tombola. D'ailleurs, on n'a pas la liste avec les jeux de tombola. C'est quoi ce travail, là? On va récupérer ça à la pause. Pourquoi? Non, on s'en fiche. C'est pas notre tombola, ça. Ah oui, non, c'est pas la nôtre, pardon. Mais il y a effectivement une tombola, si vous voulez venir voir. Il y a une DJ ici ce soir. J'ai confondu avec des jours où on commentait, mais pour oui, la salle. Mais non. Là, non, c'est non, pour non. La radio, c'est vrai que pas. Eh oui, Seb. 70 à 45, 25 points d'écart. Les Contramandista de Bayonne commencent à prendre doucement, mais sûrement, leur écart. Un écart qui va être de plus en plus difficile à combler. Oui, surtout que, ça, comme tu disais tout à l'heure, les Tarbes ont tendance à faire des petites jams, 4-8 points maximum. C'est ça, voilà. Il en faudrait beaucoup, beaucoup pour rattraper. Elles font rarement des gros jams du côté de Tarbes. Ça arrive plus souvent du côté contre Amandichta. C'est ce qui fait aussi que cet écart se creuse petit à petit. Allez, c'est reparti. C'est reparti, on entend les supporters et supportrices encourager leurs équipes. Ah oui, il y a de la ferveur, on l'entend dans les tribunes. Là. Mm-hmm. Il reste 11 minutes et 20 secondes sur cette première mi-temps. On va voir, ça surtout se joue au physique, j'ai l'impression. Peut-être que les Funtal Punkettes sont un peu moins habitués, ils ont peut-être un peu moins de physique que Bayonne, qui a l'air d'un peu mieux tenir à distance. Oui, ça se voit clairement, mais il faudra voir sur le long terme. Ouais, on verra surtout au début de mi-temps ce que la mi-temps va leur faire. Pour l'instant, c'est contrairement des stades devant, 2-25 points. Et Bayonne face à Tarbes, Bayonne qui est devant. À l'aise. Raton qui prend le lead. Très facilement, très rapidement. De l'autre côté, Elo De Vie est en prison. Donc on est sur un power jam, un power start même. Allez. Aïe, ça chute. Ouh là là, allez, ça passe. Grosse chute des bloqueuses des deux équipes. Mais Raton en profite pour passer, ce qui lui donne ses 4 premiers points. Et va passer, qui est en train de se lever. Elle va pas tarder à revenir. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ça chute pas mal côté de Tarbes. Raton qui repasse, donc il met 8 points. Et va passer, qui avait enlevé son chapeau. Qui essaye de passer pour la première fois. Je rappelle que la première fois, on ne gagne pas de points. La première fois, c'est seulement pour savoir laquelle des équipes aura le lead. Raton qui se fait recycler, qui a, je rappelle, 8 points d'avance. Et va pas passer, qui va essayer de réduire cet écart-là. C'est étonnant que Raton n'est pas collé avant que va pas passer n'arrive. Voilà. Ça défend pas mal. Ouais, ça défend bien, ça bloque bien. C'est un peu tard malheureusement pour défendre aussi bien. Elles ont déjà encaissé 8 points les joueuses de Tarbes. Peut-être un peu trop tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et ça passe encore. Un dernier petit coup pour sortir, pour mais Raton. Non. Raton passe, 12 points. 45 pour les Funtal Punkettes, 82 pour les Contramandista, 12 points d'avance sur ce jam. 16 points d'avance sur ce jam pour Bayonne. Difficile, ça va être un coup dur, ça, encore une fois pour Tarbes, qui décidément, j'ai l'impression, est en train de. Joli recyclage de Raton qui s'est fait sortir sur les genoux. Ouais. De retour sur le track aussi sec. Ouais, non, ça chute beaucoup, hein, ça chute beaucoup déjà. Pas du tout pour la jammeuse de Tarbes. C'est grosse défense de la part de Bayonne. Raton qui prend l'intérieur et qui met 4 points de plus. On est à 20-0 pour l'instant sur ce jam. Raton, ça l'a un peu fatigué, mais en même temps, elle vient de ranger 20 points. Ouais. Ces 20 points, en plus des 25 qui étaient déjà là, il double le score de leur adversaire. C'est beau, ça. Aïe. 45 à 90. 9 minutes restant sur le chrono. C'est un coup dur, un gros coup dur de Tarbes qui avait bien résisté jusque-là. Là, ça va être franchement difficile de rattraper 45 points. J'ai l'impression que Tarbes est doucement, en train de s'écrouler. J'exagère un peu, mais en train de perdre un petit peu de son assurance. Ouais, pourtant, elle défend bien là pour le coup. Ça y est, fini. Mais bon, en face, Boontienter, elle attaque, elle s'arrête jamais. Ouais. Et elle finit toujours pas passer. Elle a fini par passer parce que la défense pouvait pas reculer plus loin. Comme on disait dans le premier match, en fait, la défense peut s'étaler sur 6 mètres à peu près, mais pas plus. Et là, l'arrière de la défense arrivait aux 6 mètres et a dû s'arrêter. Donc, laisser passer Bookie Hunter. Alors, combien de points cette fois-ci? C'était Bookie Hunter qui était. 3. Qui a pris le lead pour le contre Vandista. 3 points. Les Full Metal Punket, 0. 93 à 49. Sébastien, combien ça fait? Attends, je comprends pas. On était à 45-90 et mettre 0 points, elles passent à 49. Ouais, je crois qu'elles ont rajouté 4 points pendant le. Elles sont passées à 49 pendant le jam, donc je pense qu'elles ont rajouté 4 D'accord, points. Okay. Ça fait 44 points d'écart. Qui avait dû être oublié quelque part. 44 points d'écart contre Amandichta de Bayonne, 93. Fumetal Punket à 49 points. Fumetal Punket de Tarbes. Et c'est reparti pour un jam. Ça se bouscule, ça se bataille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça passe pour Tarbes sur les genoux, mais ça passe heureux sur les genoux et ça passe plus. La défense a eu le temps d'en revenir. Et du coup, ça passe pour Bayonne. C'est finalement. Non, c'est Machatari apparemment qui est passé en première. Machatari pour Tarbes. Ah ouais, ça a été compté. Ok. Ça a été compté, voilà. Tant qu'elle a passé les 4, donc elle a eu le lead, elle est tombée, ce qui a laissé à sa adversaire le temps de repasser devant elle. Mais elle avait quand même le lead. Voilà, mais elle a quand même passé une fois les 4, donc elle avait le lead. Ouais. Malheureusement, son adversaire était passé avant elle au final, donc elle a dû faire appel pour arrêter le jam avant que son adversaire, qui avait une avance, ne puisse s'engranger des points, parce que là, pour le coup, elle pouvait vraiment pas faire grand chose d'autre. C'était un jam nul. C'était un jam nul, effectivement. Ouais. 93 à 49. Bon, moi, un peu moins de 7 minutes. Ils ont évité l'hémorragie. Hein. Ouais. El Toco Loco du côté contre Andisha et l'eau de vie du côté des Full Metal Punkettes. Ça bataille sec. Elles sont très sur la défense. Des équipes, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Tarbes défend un peu mieux. Parce que ça doit dépendre aussi des blocs. Des équipes, des groupes ouais. De 5, ouais. Et ça passe pour El Toco Loco de Bayonne. Ouais. Qui prend le lead sur ce jam. Et ça finit par passer pour Elo de vie. Ouais, peut-être un peu tard, je pense qu'elle va tenter. Elle va tenter un boom track, Toco Loco. Mais la défense en face tient bon, ça n'a pas été aussi facile. Ouais, Elo de vie aussi ouais. qui se. Et ça passe qui pour El Toco Loco qui colle. Mais je pense que dans Full Metal Punkette, il y a eu 3 points, tu vois. Elle a coulé un peu tard, peut-être. Elle a collé un peu tard, elle a mis 4 points. L'équipe adverse en a mis 3. Bon, on creuse l'écart d'un petit point. Ouais, mais est-ce qu'elle avait la visibilité? Parce que le bloc était très étalé aussi. Elle a essayé de passer, elle était devant. Et son adversaire était sur le début du bloc. Il était dans le virage. Alors peut-être qu'elle n'arrivait pas bien à voir en fait. Moi, elle était là pour coller à temps. Quoi. C'est ça, une fois que tu sors, est-ce que tu colles directement? Est-ce qu'on ne sait pas forcément où est la jammeuse adverse? Oui. Effectivement, dans ce cas-là, coller directement sans réfléchir aurait été le bon choix, mais elle ne pouvait pas le savoir. C'est ça. 97 à 52. Et puis le public est tellement enjaillé et crie tellement aussi que du coup, je pense qu'elles n'entendent plus les consignes des coachs qui hurlent aussi depuis le banc. Donc. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais, je sais pas. C'est ça aussi le rôle. Le rôle des jammeuses, elles ont beaucoup d'informations à avoir, traiter, donc il faut qu'elles regardent devant, derrière, où est l'autre jammeuse, regarder le coach en même temps, regarder les bloqueuses, etc. Ça fait beaucoup d'informations, le tout quand on est entouré de 9 autres joueuses, bah, ça peut facilement être assez illisible. Oui, ouais, tout à fait. 97 pour Bayonne, 52 pour Tarbes. Il reste 5 minutes 55 de jeu dans cette première mi-temps. Et les équipes se remettent en place sur le track. Et on va partir pour un nouveau jam. Au coup de sifflet. Ça va être quoi, le jam 16 ou 17? Ce qui est marqué jam 16, c'est celui en. Ça va être le 17, je pense, parce qu'il y a encore. Voilà, jam 17 de ce match. Allez, c'est reparti. Elo de vie face à Bounty Hunter en tant que jammeuse. Bayonne contre Tarbes. On vous rappelle qu'il y a des matchs tout le week-end. Et on est au 3ème sur 9. Bounty Hunter, la jammeuse de Bayonne. Elo de vie qui est juste derrière. Hein. Elo de vie pour Tarbes qui est juste derrière. Elle va tenter, je pense, Bounty Hunter va tenter un boom track. Non, ça passe pas. Ah, et ça colle. Deux points, je pense. De l'arbitre. Chute de l'arbitre. De Tarbes. Trois points pour Tarbes. Et deux points pour Bayonne. Trois points pour Bayonne aussi. 3 points par équipe. 100 piles pour Contramandista de Bayonne. 55 points pour les Full Metal Punkettes de Tarbes. Et on va repartir. Ça stagne un petit peu, non? C'est derrière. On reste sur les 45 d'écart. J'ai l'impression que ça stagne un petit peu. Ouais. Personne n'est en prison. Donc on est reparti pour un jam. Allez, c'est parti. Allez, Raton contre Mandishta. Machatari pour les Full Metal Punkettes. Machatari qui sort assez souvent. Hein. Ça veut dire Raton sort souvent aussi. Et donc cette fois-ci, c'est Raton qui sort pour qui Bayonne. Machatari par contre qui se fait bloquer, qui bien recyclé, qui essaye sa pivot qui essaye d'assister mais malheureusement ça ne passe pas. Elle se fait recycler, c'est à dire qu'elle se fait sortir du track, elle est obligée de revenir derrière toutes les bloqueuses adverses et elle finit par passer. Voilà, ça y est, elle finit par passer. Machatari et Raton ne passe pas, elle va en prison. Elle a fait une faute. D'accord. Et Raton du coup est en power jam. Ouais, Raton en power jam après avoir mis ses 4 premiers points. C'est ça. Et donc là, est-ce qu'on repart sur un nouveau coup dur? Est-ce que tu as vu le Bayonne qui est quand même aussi bien entraîné? Elles ont entendu le signal de leur jammeuse, les bloqueuses ont entendu le signal de leur jammeuse pour s'avancer tous en même temps. Passe pour Raton qui met 4 points de plus encore, on a 8-0 sur ce jam. On sent qu'elle fatigue un petit peu Raton, mais ouais. Raton, mais quand même pas mal. Hop, elle repasse. Voilà, là, là, là, elle passe. Ouais, elle est fatiguée, elle peut lever le pied vu qu'elle sont en power jam. Il y a deux joueuses de Tarp qui étaient en prison, une qui revient. Ça laissait pas mal de marge à Raton pour passer. Et ça y est, ça revient, toutes les joueuses rentrent sur le terrain. Ouais. 12 points d'avance pour l'instant hein, pour contre Amandichta. Ouais. 0 pour Tarb. J'ai peur que ce soit encore. Ça passe pas. J'ai peur que ce soit encore un petit coup au froid pour. Ouais. Pour Tarb. Pour Tarb, ouais. Qui finirait de les achever. Parce que 50 points d'écart, admettons, 70. Et la jammeuse retourne en prison de Tarb. Aïe, la jammeuse de Tarb. Donc on reste sur un power jam. Deux power jam d'affilée, il reste quelques secondes donc voilà. Et Cole. Raton Cole en faisant un geste étrange au début, taper son casque ou taper ses hanches. Parce que son coach lui montrait en passant de taper, il lui montrait la tête et après il lui a montré de coller. Et je pense qu'elle est tellement rôtique, elle a recopié simplement. Le coach le fait sur la tête pour mieux le voir de plus loin. Et donc elle a simplement copié. Bref, 16 points d'avance pour les contre-amandista sur ce jam-là, 116 points à 55. Sébastien, mathématicien, combien ça fait? Oh là là là, 45 et 16. Ah bah justement, c'est ça que je te demande. Ah putain, 55-61. 61 points d'écart, là ça commence à piquer. Et c'est Tokoloko pour les contre-amandista qui prend le lead en suivant. Les Full Metal Punket, je rappelle que Machatari est en prison, donc elle démarre Power Jam. Hein, donc, est-ce qu'elles vont prendre deux fois un petit coup derrière la tête? J'espère que non pour elle, mais finish. C'est parti. Alors, un beau petit recyclage quand même. C'est le retour de la jammeuse de Tarb sur le track. Ouais, tous les jammeuses sont là. Tokoloko a un tour d'avance. Là, elle est en train d'essayer de marquer ses 4 premiers points alors que Machatari essaye simplement de faire son tout premier passage. Ouais, Machatari, elle a fait un pas de jab. Essaye le. Ah mince. Elle a fait un star pass. Star pass, merci. Elle peut pas passer. Star jam, n'importe quoi. Star pass. Et c'est la fin. C'est la fin de ce jam avec 4 points d'avance pour les contre-amandista. Pas tant finalement, hein, sachant qu'ils ont démarré en power jam. Finalement, c'est pas si énorme. Mais bon, ça creuse l'écart, 120 à 55, ça commence à sérieusement piquer. Et on est sur presque la dernière minute de cette première mi-temps. Ouais, le dernier jam, je pense. Non, pas le dernier jam encore. Oh. Quoique, peut-être, on verra. Méfie-toi. Bon. On verra, ça dépend des joueuses. En tout cas, c'est parti pour ce nouveau jam. Bon, ça défend bien, là, des deux côtés, c'est bloqué. Il y a rien qui bouge. Les deux jammeuses sont coincées dans le pack de défensif adverse. Ah, personne ne passe. Ça travaille dur au corps, mais ça ne passe pas. Ouais. Et si ça passe pour les contrabandistas, avec Bounty Hunter qui prend le lead dans ce jam. Et ça passe aussi pour Hello De Vie des Full Metal Punket. Je dirais donc peut-être un petit tour de retard. Un petit boom track. Peut-être qu'elle va tenter un boom track, même si. C'est pas si facile les boom tracks sur ce match, ça défend quand même bien. Ouais, ça défend bien, si, ça y est, elle a collé. Quand Hello De Vie est entré en contact, il y a eu un call de l'autre côté. Est-ce qu'elle a mis des points? Deux points, je crois. Deux du côté de Bayonne. Deux, ouais. Et on part sur une mi-temps ou est-ce qu'on fait un dernier jam? Apparemment, on fait un dernier jam. Alors, apparemment, ouais, c'est en train de s'installer pour un dernier jam. Tout dernier jam, 122 pour le contre Amandichta, 55. Ah non, le tableau affiche. Oui, j'avais dit c'était le dernier. Le tableau affiche la mi-temps, mais bon, c'est truc automatique. Donc parfois, ça part tout seul et puis il faut leur dire, au programme de revenir en arrière. On va voir, est-ce que. Bah ben non, j'ai l'impression que les joueuses rentrent. Ah ouais, tout le monde rentre au bercail. Bon, et bien c'est parti. Bon, c'est la pause Kit Kat. Bon. Ouais, un match qui a l'air. Qui était pas si mal engagé pour le Full Metal Punket, mais à partir de la moitié de cette première mi-temps, en tout cas, ça a été beaucoup plus dur. Ils ont commencé à moins bien jouer. Bayonne a un peu monté le niveau. Ouais. Et finalement, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Bayonne a pris une avance et une avance. Considérable. Voilà. Je pense que la direction est prise et que ça va sceller ce match sur un résultat équivalent. Ouais, malheureusement, oui, on est à donc 122 face à 55. C'est Bayonne devant face à Tarb. Et voilà, donc nous on se retrouve dans 10 petites minutes. C'est ça. Allez, à tout à l'heure tout le monde. À toutes. Nos cultures avec vous toute la journée. Et on est reparti pour une deuxième mi-temps entre les Contramandista de Bayonne et les Full Metal Punkettes de Tarbes. 122 pour Bayonne contre seulement 55 pour Tarbes. Ça va, Seb? Ouais, ça va, toi? Un petit coup de fatigue là. Ouais, petit coup de fatigue. Elle a un petit coup de pompe d'après manger. Allez, tout plus, ça. Plus que deux matchs et demi. C'est l'heure de la sieste. Oh, pour aujourd'hui. Ouais, donc une première mi-temps qui a commencé pas mal pour Tarbes qui se faisait pas trop devancer avec quoi. J'avais une petite quinzaine de points entre les deux équipes et ouais, mais qui restait collé. Et ça montait comme ça à 15 points d'écart et puis finalement en milieu de mi-temps, Bayonne a commencé à se réveiller ou alors c'est Tarbes qui s'est un petit peu effondré, je ne sais pas. Ouais, quelques power jam avec des gros écarts de points pris. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc on arrive à cet écart de points qui est donc de, ça fait combien tout ça, 45 plus 22, 65, 67. 67 points d'écart. Et peut-être entre les équipes, ce qui pique un peu quoi. 65 points d'écart sur seulement la première mi-temps, ça va être compliqué à rattraper ça. C'est mal engagé pour Tarbes. On va voir si la mi-temps leur fait du bien. On va voir si peut-être que Bayonne va prendre un peu trop la confiance et va se relâcher. C'est possible aussi. On va voir si le coaching aussi fera la différence. Si des consignes ont été données pour éviter l'hémorragie ou du moins l'endiguer un tout petit peu. C'est reparti pour ce nouveau jam de cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, une demi-heure encore découpée en jam de 2 minutes maximum. Et qui est-ce qui prend le lead? C'est Serraton. Non, elle est sortie, Raton. Elle est sortie. Comment ça? Non, elle a le lead. Elle a le lead, mais je l'ai pourtant vu sortir. Écoute, je ne sais pas. Apparemment, non. C'est pas elle, là. Machatari derrière, un demi-track derrière qui la suit. Voilà les Full Metal Punkettes qui font la technique du je recule pour retarder l'inévitable. Ouais, et ça colle, se fait recycler à la colle en même temps. Parce que la jameuse de Tarbes qui revenait dans le pack. Ouais, Tarbes qui a mis un point et Bayonne 3 points. Ouais, pas un gros écart, 2 petits points, mais bon, il suffit de ça pendant tout le match. Et c'est comme ça qu'on gagne, généralement. Ouais. Ouais, c'est les petits points qui peuvent faire la différence au final. Mais on recommence sur un jam plutôt tranquille là pour l'instant, en début de. Ouais, c'est pas. Pour l'instant, elle met pas trop de fort. Ah non, on dit ça évidemment. Ouais. Et Toco Loco passe sur la pointe, sur le tampon. Et très facilement sur la ligne intérieure. Ouais, c'était très très bien joué de sa part d'avoir esquivé le bloc comme ça. Ouais. Elle va essayer d'engranger ses 4 premiers points. Ah, elle était pas loin, elle était pas loin d'y arriver. De l'autre côté, ça passe toujours pas. Et ça chute. Ouais, qu'est-ce que et c'est et ça passe côté, pour Tarbes, bah, ça y est. Hello de vie qui fait son premier passage. Mais qui a un passage de retard. Hein. Voilà, et de l'autre côté. Et non, ça passe pas, elle colle. Est-ce qu'elle est sortie? Je suis pas sûr qu'elle soit sortie. Enfin bon, ça, on s'en fiche. Elle colle combien de points? 4 points. 4 points, apparemment, pour Contramandista. 0 pour Fumetal Punkette. C'était bien joué. Elle a collé exactement au bon moment. Et voilà, on creuse l'écart petit à petit, 129 à 56. Bon, pour l'instant, une deuxième mi-temps à l'avantage des Bayonnaises. Ah, il y a deux Bayonnaises sur le banc. Hein, il y a deux Bayonnaises sur le banc et il y a Tarbes qui a demandé. Qu'est-ce que je vois? Un arrêt de jeu. Une rencontre avec les arbitres. Généralement c'est écoutez, moi j'ai vu pour moi on a marqué un point ou deux et vous l'avez pas compté, ou on pense que les autres ont marqué trop de points, ou on pense que par exemple quelqu'un a fait une faute que vous n'avez pas sifflé, etc. Ouais. Là c'est vrai que c'est peut-être le coup de la sortir, c'était Raton je crois que j'ai vu moi sortir et qui n'a pas été sifflé. J'étais étonné. Alors moi je l'ai pas bien vu parce que c'est pile dans ma zone de reflet de la vitre que ça s'est passé, donc je vois pas tout bien. Donc voilà, je sais pas si c'est sur ça qu'il y a un petit litige. Donc voilà, donc c'est. Il me semble que chaque équipe a droit à trois demandes de ce type-là. D'accord. Voilà, Bayonne avait déjà utilisé la sienne. et enfin une des siennes et Full Metal Punk 2 Tar viennent utiliser à l'heure. Les arbitres se concertent entre eux et vont ensuite rendre une décision. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura un petit changement de points ou pas? Pour l'instant, sur Drain Jam, c'était 4 points pour Contramandista, 0 pour les Full Metal Punket. Voilà, knockout qui rend sa leur décision. Il me semble pas qu'il y ait quelque chose, que quoi que ce soit qui change. En tout cas, sur le tableau de score, ça bouge pas. Non, pour l'instant, ça bouge pas. Je le surveille. On est parti pour un nouveau jam. Je vois pas le score bouger, moi, pour l'instant, donc... Eh ben, apparemment, c'est parti, le score n'a pas bougé. Écoute. Ouais, c'est parti. 129 à 56. Qu'est-ce qu'il va prendre prends-tu de Seraton. Seraton pour les contrebandistes de Bayonne, suivi très près ouais. Par Machatari, quoi, de 3 mètres, 3-4 mètres derrière. Ouais. Raton trace. Raton trace et un temps en face, le Full Metal Punket utilise la technique du technique de la course, c'est-à-dire qu'elle s'échappe. Et c'est Machatari qui passe en premier alors que Raton est toujours bloqué dans le pack. Ouais. C'est bien joué. Mais Machatari c'était. Il y a bien 4 points, je trouve ça bizarre que ça s'affiche pas. Machatari a marqué 4 points, elle a un tour d'avance sur Raton, mais c'est Raton qui a le lead, donc ouais. Raton décide si elle continue ou pas. Apparemment elle est partie pour continuer. Une bloqueuse de Tarbes qui est partie en prison. Ouais, Machatari qui a un peu de mal à passer, il y a une belle défense de Bayonne qui quand elle se fait dépasser arrive quand même à revenir derrière. Et elle colle, mais elle peut pas coller. Elle peut pas coller, c'est pas elle qui a le lead. C'est pas elle qui a le lead. Elle se fait sortir assez méchamment. Aïe. Machatari qui était persuadée malheureusement d'avoir le col et qui comprenait pas pourquoi le jeu ne s'arrêtait pas. Mais là, elle veut tenter un star pass alors que non, elle est passée. Je vois pas ce qu'elle fait. Elle est passée, c'est juste qu'elle a pas le lead. Oui, voilà. Mais du coup elle tente un star pass pour. Mais elle est déjà passée, elle a mis 4 points. Elle peut faire un star pass quand c'est pas le premier passage. Oh, bien sûr, elle fait un star pass quand elle veut. Ah, ok, d'accord. Elle fait un star pass absolument quand elle veut. Non, le star pass est fait, donc voilà, ça a été fait. Elle fait un star pass quand elle veut, voilà. Mais elle ne peut le faire qu'une seule fois. D'accord. On est à 12 du côté contre Andishta, 4 du côté Full Metal Punket, c'est dommage, Full Metal Punket qui avait 4 points d'avance et qui l'ont perdu. Elle a pas collé, elle a pensé coller, mais non, elle s'est retournée en même temps, le coach qui a dit non, donc elle continue. Elle a fait un semblant de colle, ouais. L'arbitre a accepté de ne pas lui en tenir rigueur. Elle aurait dû, hein, parce que elle a 4 points, là les deux sont de retour dans le pack. Ouais. Et ça passe pour tard, voilà, elle recolle à. Voilà. Elle a collé trop tard, du coup, je pense que ça doit faire 16, peut-être un ou deux points de plus pour la pour l'instant, 19, c'est 16. 19 à 16 pour l'instant sur le tableau des scores. Ça, c'était un peu confus, hein, ça, ce jam-là. Ouais. Elle avait 4 points d'avance, finalement, elle n'avait que 3. Voilà, nous avons la jammeuse des contre-matchs de Bayonne qui a commencé à entamer le signe pour arrêter le jeu. Mais elle a stoppé. Ouais. Elle a stoppé. Apparemment, ça lui a été accordé de ne pas être comptabilisé comme un call. Et ça passe pour Bounty Hunter pour Bayonne qui prend le lead. Et l'eau de vie derrière qui est toujours bloquée. Ouais, bien bloqué dans le pack. Ouais. Ça défend bien de la part de Bayonne là. Joli. Et ça passe pour Bounty Hunter à l'intérieur du virage du track. Ça a 4 points pour Bayonne alors que l'eau de vie est toujours bloquée derrière. Ouais. Elle ne peut pas. Elle passe. Je crois qu'il y a quelque chose qui est parti. Je crois qu'il y a des roues qui sont parties. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a perdu. Il a perdu deux roues, un jeu de roues avant ou arrière. Je ne sais pas où est-ce que tu le vois toi. Là, elle est juste là. Ah voilà, c'est une joueuse de Bayonne qui a perdu ses deux roues avant. Ouais. Ce qui est pas hyper pratique. Non, c'est clair. On va pas se mentir. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On n'arrête pas le jeu, non? Je sais pas, il y a le truc en plein milieu là. Il y a l'axe qui est en plein milieu du track. Oui, effectivement, il y a encore. Il y a l'axe en plein milieu du track là. Donc, je sais pas si quelqu'un l'a vu. C'est un peu le cas, oui. Ouais, c'est vrai, ça y est, Barbara l'a vu. On a quelqu'un qui l'a vu, effectivement. Voilà. Le jeu continue, hein. Le jeu continue. Ça fait partie du jeu, apparemment, de pouvoir perdre une partie de son équipement et ne plus pouvoir jouer. Écoute, c'est comme ça. Bounty Hunter pour Contramandista qui ont 12 points et l'eau de vie qui marque 12 points aussi. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop tout suivre. C'était perturbant cette perte de. Ouais. De patins. Qu'est-ce qui là se passe? Ah, ben voilà, nous voyons le coach de Bayonne venir voir. Ah, peut-être qu'il manque encore une pièce. Je ne sais pas où est-ce qu'on a ramassé le. Ouais, qui a dû rouler. ce qui manque. Ça va peut-être manquer un. C'est la première fois que je vois ça. Un boulon ou. Ouais, voilà, les patins, les deux roues avant qui sont complètement détachées. Ah, les deux, c'est. Ouais, mais c'était un axe, le même, ouais, la même pièce, c'est la pièce entière qui tient les deux roues qui sont détachées. Et ça crie un peu du côté. Ça crie en haut dans les gradins. Dans les gradins. Et 15 à 12 apparemment sur ce jam, il y a les arbitres qui discutent. Je sais pas ce que c'est par rapport à cette perte de roues ou pas, ou est-ce que ça a été prévu. Je pense que ça a dû être prévu. Peut-être dans les règles, je veux dire à la pala par exemple, pour venir à un truc que je connais, les défauts du fronton font partie du jeu. Alors s'il y a un trou au milieu du terrain, ben, et que la balle tombe dessus et que ça fait un rebond étrange, ça fait partie du jeu. D'accord. Okay. Donc est-ce qu'ils considèrent que ça fait partie du jeu de parfois perdre un truc et de ne plus pouvoir jouer derrière pendant au moins le jam, ou est-ce qu'il va être accordé de rejouer le jam ou peut-être des points ou... Ouais, j'ai pas l'impression pour l'instant. 15 à 12. C'est une très bonne question. 163 à 84 et contre Amandishta qui prennent décidément carrément le large. On est presque à 100 points d'écart. Hein. 81 points d'écart. Seb est complètement perdu. Seb n'a Dieu que pour les bonbons. Le reste n'existe plus. On se fait piquer les bonbons, je surveille. Oh, bah écoute, avec la quantité qu'on a, je pense que mon estomac va pas râler. Non mais je suis comme un gosse avec ça, c'est... Je vois ça, oui. 4 points sur ce jam pour les Full Metal Punkettes de Tarbes qui essayent de réduire l'écart. Mais bon, là, il me semble quand même que l'écart est un peu trop conséquent pour être réduit aussi facilement. Ah là, ouais. Malheureusement, et puis de toute façon, Bayonne continue à engranger des points, à creuser l'écart. Donc bon, on va voir. Tarbes, il a l'air d'avoir quand même une bonne ambiance du côté de Tarbes. On continue à jouer, on continue à donner tout ce qu'elles peuvent. Il y a toujours de... C'est ça qui est bien avec ce sport, c'est qu'il n'y a pas d'animosité, c'est toujours la joie, la bonne humeur. Et ça passe pour El Toco Loco. Ouais, pour Bayonne, qui prend le lead, et l'eau de vie qui est toujours bloquée derrière les bloqueuses bayonnaises qui font donc bien leur boulot. El Toco Loco qui a fait un tour, qui va essayer de faire son passage à point. Et qui passe 4 points pour le Conference Vista de Bayonne. Enfin. Ouais. Mais bon, après un tour et demi de retard. Voilà, un tour et demi de retard. Donc je pense que Conference Vista va tenter les 8 points et coller. Oui, elle colle. Ouais, voilà. Elle colle au bon moment. 3 points. 3 points, ouais. 3 points. Points, ouais. 3 points pour, en plus pour Bayonne, 7 en tout sur ce jam-là. Et sur le total du match, 170 pour le Conference Vista de Bayonne. Les Full Metal Punkettes sont-elles à 88 points. Ça fait un joli écart. 70 plus 12, 82 points d'écart. Et on est encore à quoi, dans le premier tiers de deuxième mi-temps. Il reste 21 minutes. Oui. Donc Bayonne va encore pouvoir creuser cet écart. On rappelle que pour Bayonne aussi, c'est intéressant les matchs comme ça où elles ont de l'avance parce que ben, le goal average derrière est extrêmement important. On rappelle que là, ouais, elles sont. En termes de matchs gagnés, elles sont en égalité avec deux autres équipes, à savoir les Valiant Beaches d'Anglette et le Sambé de Mérignac. Donc, et elles sont derrière. Elles sont troisième à cause du goal average. Donc là, engranger des points, c'est aussi important pour elles. Gagner un match et plus le goal average. Donc ça peut faire une différence après à terme. C'est ça. Donc elles c'est très important. Elles vont pas s'arrêter. C'est pas parce qu'elles ont de l'avance. Ce que je dis, c'est que c'est pas parce qu'elles ont de l'avance qu'elles vont se calmer ou quoi que ce soit. Au contraire, elles vont continuer à engranger un maximum de points pour pouvoir faire jouer de la balance contre les autres équipes avec lesquelles ils sont en égalité en termes de matchs gagnés. Oui, ça permet de se créer un abri pour la suite. Si jamais c'est toujours serré entre Sam et Valiant, ça va être le goal average qui va faire la différence. Ouais. Si on reste sur le même nombre de matchs gagnés et perdus. On verra. D'ailleurs, les Valiant, elles jouent quand ? Elles jouent ce soir. Elles jouent ce soir, c'est le dernier match, pas le suivant, mais encore celui d'après. Et ça va être contre Pibrac, qu'on a déjà vu tout à l'heure avec toi. D'accord. Voilà, les Valiant espèrent que Pibrac sera un petit peu fatigué de leur match, oui, pour éventuellement gagner. On ne sait jamais. Les Valiant ont tendance à perdre les matchs qu'elles peuvent gagner et à gagner les matchs qu'elles peuvent perdre, qu'elles sont censées perdre en tout cas. Donc on ne sait jamais. L'année dernière, ils ont bien battu Bordeaux. Pourquoi pas Pibrac cette année? Ça peut arriver. Les Valiant ont des petites des petits pis comme ça, de temps en temps. Ouais, ouais. Elles donnent tout ce qu'elles ont, elles sont, sont particulièrement douées, et puis et ça marche. Bon, on verra ça tout à l'heure, ce on soir. Verra ça ce soir. Pour l'instant, on est entre Bayonne et Tarbes. Pas de points sur ce jam, non, on reste à 80 points d'écart. 170 pour les contrabandistas, 90 pour les full metal punkettes. Il reste moins de 20 minutes sur cette seconde mi-temps. Et ça se remet en place. Voilà, on rappelle qu'il y a 5 joueurs sur le terrain, certes, mais qu'en tout, elles peuvent aller jusqu'à 15 en comptant celles qui sont sur le banc. Et sur le banc, ce ne sont pas des remplaçantes qui peuvent arriver un peu. On ne sait trop quand. Ça tourne quasiment. Enfin, quasiment. Ça tourne à chaque jam. Et c'est même assez rare que la même joueuse fasse deux jams d'affilée. Oui. Pour l'instant, c'est Toko Loko qui prend le lead sur ce nouveau jam. Machatari est toujours bloquée. Elle bataille avec l'aide de ses coéquipières. Mais non, elle se fait recycler. Ça défend. Toko Loko arrive. El Toko Loko arrive et va rentrer directement dans le pack adverse pour essayer de le casser et de passer. Et ça passe. Ça passe par l'extérieur, effectivement. Voilà, sans besoin de le casser. Points. Elle a trouvé une faille sur le côté droit. 4 points. Il y a un star pass du côté de Tarbes, mais ça qui va passer. Ça passe, voilà. C'est Eva Papassé qui récupère star pass. 4 points d'avance pour le contrabandista. Et c'est le retour de la jameuse. Je pense qu'elle Bayonne. Va passer, elle va passer, ouais, et ouais, coller. Est-ce qu'elle colle? Carton coach. Voilà. Elle colle. Voilà, c'est très bien. Elle a effectivement entendu le coach de Bayonne lui intimer l'ordre de coller. Ouais. Elle l'a fait juste à temps, je crois, parce qu'en vrai, quelques secondes de plus. Et il y avait une chance qu'elles engrangent des points aussi. Ouais. Enfin, qu'elles prennent des points. 8 points donc pour le contrabandista de Bayonne, 0 pour les full metal punkettes de Tarbes sur ce jam. 178 à 90. On n'est pas loin des 100 points d'écart. Hein. Ouais, 88 points d'écart. Ouais, ouais. 100 points d'écart, c'est toujours un petit peu une petite massue qui tourne derrière la tête. Ah ouais, là. 100 points, c'est un petit signal quoi. Petit signal que là, c'est. Et ça passe pour Raton assez facilement, qui prend le lead pour Bayonne. Et c'est suivi par Halo de Vie qui est sorti aussi du pack avec un demi-track de retard sur Raton. Raton se fait recycler. Ouais. Et là, c'est Halo de Vie qui profite du. Qui met les 4 premiers points de ce jam, mais qui n'a pas le lead. Hein. Non, elle n'a pas le lead. Donc elle a de l'avance. Elle a Raton est passé, ça y est. Mais elle ne peut pas arrêter le jam, c'est Raton qui peut l'arrêter. Ouais, et Raton préfère l'arrêter juste avant qu'Halo de Vie n'ait une chance d'engranger des points plus. Ouais. Écoute, 4 partout au moins. Ouais. Alors rien perdu. Rien perdu, rien gagné. 182 à 93, il reste un peu plus de 17 minutes. Là, je pense que c'est plié. Hein. Enfin, je veux dire. Ouais, je pense que c'est. Je pense aussi que c'est plié, surtout que vers les contrabandistas font une deuxième mi-temps qui reste pas dégueulasse. Alors, je pense pas qu'ils soient à leur meilleur niveau. Ça dit, il faut mettre la planquette non plus. Alors bon, elle continue à engranger petit à petit des écarts, de plus en plus petits d'ailleurs les écarts, j'ai l'impression, mais ça passe toujours. Bounty Hunter qui prend le lead pour le contrabandista. Ça fait un moment que j'ai l'impression que Tarbes n'a pas pris le lead. Ouais. Je sais pas s'ils ont pris un seul lead même de cette seconde mi-temps. Hein. Eva Papassé qui tente le star pass, alors qu'à côté d'elle, Bounty Hunter se bat contre deux bloqueuses et elle passe. Et elle passe les deux passent d'ailleurs. Les deux passent, ouais. Bounty Hunter qui marque ses premiers points et Eva Papassé qui fait son premier passage, donc 4 points, 4 à 0 pour les contrabandistas. Bah écoute, j'ai l'impression que ça va être comme ça. Jusqu'à la fin du match, les Bayonnaises vont pas prendre trop de risques, elles vont engranger des points petit à petit. Il y a deux bloqueuses à droite de gauche, sur le banc. À moins que vraiment elles aient l'occasion de mettre encore un coup de massue. Mais là, il faut mettre la punkette, ça a l'air un peu difficile pour elles. 186-94, c'est reparti pour un nouveau jam. On vous rappelle que si vous voulez voir la vidéo, vous allez sur YouTube, Roller Derby Côte Basque, vous aurez la vidéo en direct. Hello de Vie pour Full Metal Punket qui prend le lead. Raton qui est juste derrière elle. Elle colle, non, elle prend pas le risque. Elle sait que Raton est dangereuse. Elle prend pas le risque. Bon, il reste un peu plus de 15 minutes sur le match. Bon, qui a l'air quand même gagné pour Bayonne. Hein. Ouais. Allez, on est reparti pour un nouveau jam. Les joueuses se mettent en place. Et c'est parti. Et... Oh, les jammeuses là, qui travaillent fort ça. dans les blocs. Les deux jammeuses. Ouais, les deux jammeuses sont coincées dans les blocs. Ça défend très bien des deux côtés. Et ça passe pour El Toco Loco qui prend le lead pour Bayonne. Ouais, Machatari est toujours bloqué derrière. Ouais, hein. Toujours bloqué, mais bien derrière en plus. Elle tente Star Pass, Machatari. Ouais. Tente. Est-ce que ça va marcher? Elle passe tout court. Voilà. Elle passe sans donner son bonnet. De l'autre côté, les quatre premiers points de Toco Loco ne sont pas encore mis. Elle bataille fort. Ouais, ça bataille fort. Et ça y est, elle passe. Machatari arrive derrière. Elle va pas tarder. Machatari passe. Ça passe. Elle colle trop tard, je pense. Ouais. 4 points partout. Ouais, 4 points partout. On a souvent des égalités. Hein. Non. Ça défendait bien là sur ce jam là. Ça défendait bien. A bien défendu. J'ai l'impression que ça commence à fatiguer du côté des jammeuses. Ouais. Aussi, ouais. On est quoi? Oui, on est passé à la moitié de la mi-temps là. Ouais. Et. 190 à 98. Les patins vont commencer à s'alourdir. Ouais. On s'approche doucement des 100 points d'écart, mais de plus en plus doucement, j'ai l'impression. Ouais. Et Raton qui tente une petite feinte mais qui marche pas. La petite feinte, non. Hop, et si c'est passé pour Raton qui prend le lead. Ouais. Elle, on dirait que Baron, les patins sont toujours aussi légers. Ouais, Raton est toujours aussi à l'aise, elle a l'air d'avoir une stamina qui est toujours au top. Ouais. 190 à 98, Raton qui a pris le lead, qui va essayer d'arranger ses premiers points. Elle se fait bloquer. Elle se fait bloquer dès le début du pack. Malheureusement pour Tarbes, leur jammer se fait aussi bloquer. Ah, un star pass réussi. Tout en discrétion, c'est bien joué, c'est Vaselina. Qui récupère l'étoile. Et Raton qui passe et qui colle. Voilà, 4 points assurés. Ouais, un petit boom track, je crois. 194 à 98. Plus que 4 petits points avant les 100 points d'écart. On n'a personne sur le banc, donc on va redémarrer en full joueuse sur le track. On va voir, d'habitude j'ai l'impression qu'il y a deux jams nuls pour 4 points la troisième fois pour Bayonne. Est-ce que ça va continuer comme ça? Ce qui est étonnant quand même de la part de Bayonne, parce que là c'est vraiment le moment d'essayer d'engranger le maximum et de points. Et ça passe pour Tarbes. Voilà, il ne va pas passer Tarbes qui prend le lead, ça faisait longtemps. On sent d'ailleurs le cri de joie de... Et Boudier hauteur, fidèle à elle-même, tout en force, elle pousse. Mais ça ne passe toujours pas pour l'instant, et ça y est, ça passe à l'instant. Mais l'eau de vie, est déjà de retour dans le pack pour aller chercher ses 4 premiers points. Alors qu'un carton est tombé sur le track, attention, supporters, supportrices, ça ne va pas faire tomber vos cartons sur le track. Sinon, les gens tombent et les gens se blessent. 194 pour les contre du stade de Bayonne, 98 pour les full metal punkettes. Ah, full metal punkettes qui ont mis 4 points cette fois-ci, 102 à 194. 90 points d'écart, elle s'accroche pour ne pas laisser les 100 points d'écart. Elle s'accroche, mais au final, sur la longueur, c'est quand même contre Andishta qui petit à petit grappille. Ouais. 4 points par 4 points, j'allais dire, mais en fait, c'est presque un point par un point si on fait des moyennes par jam. Ouais. Allez, c'est reparti. Hello de vie du côté Full Metal Punket. Raton du côté des contre Andishta. C'est Raton qui passe. Raton, elle fait un jam sur deux ou quoi? Raton, elle fait beaucoup de jam. Ouais. Mais en même temps, elle fait un jam sur deux, elle a l'air toujours aussi fraîche. Ouais, c'est clair. Donc apparemment, la fatigue n'a pas pris sur elle. Ouais. Si c'est comme ça, elle a raison de continuer. Raton qui engrange ses 4 premiers points alors que l'eau de vie n'est toujours pas passée, je crois. Hein. Raton va essayer d'en mettre 4 de plus. Elle se fait recycler. Elle ne passe pas, elle se fait sortir. Raton qui bataille. Et l'eau de vie, par contre, l'eau de vie est complètement coincée au tout début du pack là, par la défense de Bayonne. Est-ce qu'il y a un Star Pass ou est-ce que c'est son. Elle a tenté le Star Pass, mais toujours à main. Ouais. Raton qui est à 8 points, qui va tenter les 12, qui est pas loin et qui. Très joli. Très joli. Sur les tampons, il nous a fait des petits pas de danse. Ouais. Un arrêt sur les tampons pour ne pas prendre le coup de son adversaire. 12 à 0. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Un jump qui fait mal. Ah, je vois plus rien. Junk mal, on a dépassé les 100 points d'écart. On a dépassé 100 points d'écart, mais ils vont continuer. Raton qui essaye de marquer 16 points. Ludovic qui est toujours pas passé, on est d'accord, hein. Ah, toujours pas, non. Toujours pas. Non. Et pas de star pass, rien. On rappelle que le premier passage ne donne pas de points. Il est simplement là pour désigner qui des deux jammeuses aura le lead. Et ouais. Donc pour arrêter le jam quand elle veut. Et donc tant que la joueuse adverse n'a pas fait son premier passage, eh ben, elle va continuer à. Ouais, ouais. Essayer de marquer des points. Ouais. Essayer de marquer des points. Elle est déjà à 12 à 0. Elle commence à fatiguer là. On le sent. Ouais. Il reste 15 secondes avant la fin de ce jam. Allez. Un petit dernier peut-être pour Raton. Est-ce qu'elle va y arriver? Ouais. Il reste 10 secondes. Oui, ouais, il arrive. Elle passe, 16 points. 16 points. 16 points. C'est toujours bon. Pas passé pour Tarb. Tarb qui ne passe pas. Bon, ça, c'est fini. Il reste. Bon, c'est ouais. Fini. Le jam. Le jam se termine là. Voilà. On est allé au bout du jam. Ouais, très joli. On a pas contre Amandista qui a une très, très, très belle défense. Qui n'a pas du tout laissé passer. C'était Elo de Vie, je crois, pour les Full Metal Punkettes. Ouais. Et Raton, derrière, qui en a profité. À raison, qui a mis 16 à 0. Ce qui a fait passer leur score à 210. À face 102. À 102, voilà, les 100 points d'écart ont été dépassés pendant ce jam là. Ça fait combien? Ça fait 108 points d'écart. Ouais, 108. Voilà, un bon gros jam et bam. Ouais. Là, bon gros jam, mais bon, fatigant pour Raton aussi qui a enchaîné pas une 2 minutes. Peut-être que ça va la casser pour la suite, on verra. Bon, il reste 8 minutes 30 de jeu. C'est vrai. Quand il va rester à les 4-5 jams. Oh, peut-être un peu plus, généralement on est quand même en dessous de la minute, hein, généralement sur les jams. 2 minutes, c'est vraiment très très long. Et nous sommes en power jam, nous avons deux joueuses de Bayonne qui sont sur le banc. Machatari ne prend pas le lead. Elle prend le lead. Machatari prend le lead. Ah, il y avait trois joueuses de Bayonne qui étaient sur le banc. Oula, ouais. Elle prend le lead et est toujours en power jam. Un peu que le power jam, c'est quand une des deux jammeuses est en prison et donc que toute l'équipe va se dévouer à faire passer leur jammeuse sans se soucier de la jammeuse adverse puisqu'elle est en prison. C'est ce qu'ils ont fait très bien là pour le coup. Exactement. Donc 4 points pour les Full Metal Punkettes et elle colle. Pourquoi est-ce qu'elle colle? Je sais pas. C'est dommage, c'est très très dommage. Parce qu'elle colle pour. L'idée c'est de coller assez tôt pour éviter que. Pour que le jam suivant commence en power jam. Ouais, direct. Pour avoir cet avantage-là, parce qu'on rappelle que le plus important dans ce sport, c'est de prendre le lead. Et donc, quand la jammeuse adverse n'est pas là, c'est beaucoup plus facile. Malheureusement, je crois qu'elle a fait appel juste une seconde, deux secondes après que la jammeuse adverse soit sortie de prison, c'était trop tard. Voilà. Juste trop tard. Parce que même si c'est une seconde avant qu'elle sorte de prison, ben, en fait, il faut le temps. Que d'aller de la prison jusqu'au track, ouais. Et ça lui laisse quelques secondes, ce qui est un gros avantage en tout début de jam. Ouais. Et d'ailleurs, jam qui a été. C'est Bayonne Boutienter qui a pris le lead. Ouais, Vaseline Adrer qui a fini par passer pas longtemps après, mais peut-être qu'elle va tenter un boom track. Est-ce qu'elle fait un boom track? Je crois. Ouais. Ouais, 4 à 0 contre Amandista, voilà. De Bayonne qui mettent 4 points 0 pour Tarb. 214 à 106, ce qui nous fait 106 points d'écart. 108 points d'écart, effectivement. Ouais. Il reste 6 minutes 35 tout à fait exactement sur ce match. Nous avons un temps mort de la part des arbitres. Qu'est-ce qui se passe? Ah, un pied, deux pieds. Ah oui, nous voyons des pieds dépasser. Bon, j'ai vu une arbitre venir demander à la speakeuse de dire quelque chose au micro, je crois, entre les jams, quelque chose comme ça, peut-être de pas faire trop de bruit entre les jams. L'interjam, ouais. Peut-être, parce que voilà, il faut qu'ils s'entendent sur le jam entre deux jams pour que les arbitres puissent s'entendre. Et c'est vrai que parfois on demande aux spectateurs d'éviter de faire du bruit à ce moment-là. Et donc 214 à 106, c'est reparti. Machatari du côté des Full Metal Punkettes. Raton du côté des Contramandista. Et c'est Raton qui passe. C'est Raton qui passe face à Eva Papassé qui l'a quand même tenu un moment. Elle a réussi à récupérer. Et un derrière peu Machatari, Machatari qui a un demi-track de retard. Ouais. Juste assez peut-être pour les 4 points. Ça c'est malin. Recule, les bloqueuses rouges reculent pour empêcher de Raton d'arriver trop facilement. Et Machatari du coup est passé et prend les 4 premiers points. Machatari a profité pour accélérer et pour rattraper. Ouais. Mettre 4 points. Et Raton contre Amandishta a collé. Elle n'a pas le choix parce que c'était soit ça, soit le premier cut. Potentiellement 4 points de plus. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. très bien joué de la part des Full Metal Panket. Une très belle stratégie sur ce coup-là. Le fait de reculer assez vite pour empêcher Raton de trop les rattraper trop facilement. Mais pas assez vite pour distancer leur propre jammeuse. Ouais. C'était très bien joué. Non, c'était bien joué sur ce coup-là. Bonne stratégie. Ah, Raton a quand même pris un point. Un petit point. Ah ouais. 215 à 110. Allez, c'est reparti pour ce nouveau jam. Ah, il reste un peu plus de 5 minutes sur ce match. On arrive à la fin, le moment où ça va commencer à tirer. Tirer, à lâcher. On rappelle que chaque équipe ce week-end va jouer au moins 2 matchs. L'Air Pure Rakeuse en joue 3. L'Air Pure Rakeuse et je ne sais plus qui est l'autre. La jammeuse de Tarbes est partie en prison. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et c'est El Toco Loco qui a pris le lead pour Bayonne et du coup qui se retrouve en power jam. Ouais, ça a encore mauvais temps, peut-être pour Tarbes. Pour Tarbes, ouais. Après. Le petit temps fort qu'ils ont eu sur les deux derniers jams, là, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, ça casse la dynamique. Ouais. Et on voit que, on voit que Tokoloko a eu du mal à passer, elle s'est quand même bien fait. Très physique, très physique, mais ça finit pas passé. Bien fait arrêter quand même pendant un moment, donc très bien joué la part de Tarbes. Elle passe, elle met 4 points et elle colle pour démarrer le jam suivant en power jam. On appelle ça un power start. Un pas vers start, allez. Et donc l'avantage c'est qu'il y a qu'une seule jammeuse donc qui est sur le track, donc toutes ses équipières vont l'aider. Et on rappelle que prendre le lead dans ce jeu c'est le plus gros avantage du jeu. Donc c'est extrêmement important de prendre le lead. Et évidemment quand on est c'est la seule jammeuse, ben c'est beaucoup plus facile. Voilà, là c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. La James Otard est revenue. Dès que ça a été sifflé, la James Otard est revenue. Mais 5 secondes de décalage, ça peut tout faire. Ouais. Tard qui retente le coup du on s'échappe. Ouais. On s'échappe pour laisser le temps à leur James de rattraper l'autre. Ouais. Ça a marché tout à l'heure, pourquoi pas cette fois-ci. Mais Booty Hunter la travaille au corps comme elle a son habitude. Et pour l'instant, elle arrive à peu près à ses fins. Ouais, mais Bayonne qui a quand même un peu compris la stratégie et qui a quand même fini par bien bloquer la Tarbèze. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une faute? Oui, il y a une faute. Il me semble que Booty Hunter va en prison. Non, Booty Hunter continue son tour, la lead. D'accord, j'ai cru que l'arbitre lui disait d'aller en prison, non, pas du tout. Non, moi je croyais qu'elle était sortie, il me semble qu'elle était sortie, mais finalement non, apparemment. Ouais. Apparemment elle a dû sortir hors zone de défense et finalement pas comptabilisé comme dehors. Un star pass du côté des Full Metal Punkettes qui leur permet de faire le premier passage. Et va pas passer qui... Ouh. Elle va passer, qui est arrivée très très vite pour essayer de rentrer par l'intérieur, mais qui s'est heurté à une joueuse adverse qui était juste devant. Est-ce qu'elle a mis des points, Papa Passé? J'aurais pas dit non, tu vois. J'aurais un point ou deux. Ah, tu as deux points. Ah. Trois points. Trois points pour le Full Metal Punk 4, quatre pour le Contramandista. Deux ou trois? Deux, elle montre. Trois, je crois. Trois, le pouce. Ah, il était comme ça. Le pouce est à l'intérieur, donc on le voit pas trop, mais je crois que c'est trois. Deux ou trois? Ah ben, j'attends que le tableau de score bouge pas, donc j'attends que le tableau effectivement nous dise si c'est 2 ou 3, mais le tableau a pas qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai pas eu de point. Bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Non plus. Bon, en tout cas sur ce nouveau jam c'est Raton qui prend le lead face à Elo de Vie. On rappelle que Raton est la une des jammeuses de Bayonne, contre Mandishta de Bayonne. Elo de Vie passe avec un tour de retard. Je pense que Raton va tenter le boom track, c'est-à-dire 4 points. Une fois qu'elle a passé, elle colle. Non, elle colle pas. Si, elle colle. Elle colle, attention, parce qu'à chaque fois, elle met quelques secondes à coller. Et ça peut être des secondes qui peuvent profiter à son adversaire pour marquer des points. 127 pour le contre-indigitain de Bayonne. Les Full Metal Punk de Tarbes sont à 110. Il reste 1 minute 35. Sur le compteur, on va arriver sur les peut-être deux derniers jams, peut-être trois, peut-être un si on finit sur un long jam. On part à 4 contre 5 puisque une des bloqueuses de Tarbes est en prison. Voilà, il y a sa ambiance, même sur le track sans ambiance, elles savent que c'est la fin. Allez, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier jam? Non, il me semble qu'il y a une souci de sur le tableau des scores, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Mais tout à l'heure, tu sais, les fameux 2 points, 2 ou 3 points qu'on n'a pas vu scorer du tout. Ouais, j'ai vu une arbitre désigner le. Bon, j'ai vu une arbitre désigner le tableau des scores. Et apparemment, il manque peut-être des points. Tu sais, les fameux 2-3 points de tout à l'heure, au Full Metal Punket. Oui, parce que moi, personnellement, j'ai clairement vu l'arbitre des Full Metal Punket lever 3 doigts. Ouais, ouais. 2 sûrs, moi pour moi c'était 3, mais 2 en tout cas, c'est absolument sûr. Et c'est vrai qu'on les a pas vus s'afficher au score. Ouais, ouais. Et on rappelle que le goal average déterminant. Déterminant, merci, ce mot. Décisif. Décisif, c'est même ça le mot que j'ai cherché. Décisif. Entre quelques équipes. Contre Andy Stade de Bayonne, c'est à 227 points, 110 pour les Full Metal Punket. Il reste 1 minute 22 au score. Ça s'énerve dans les gradins, ça encourage les équipes. Ouh, on chiotte l'arbitre. Ah, dis pas ça, les arbitres font leur travail. On rappelle que tout le monde est bénévole ici, arbitre compris. Bénévoles, ils font bien leur boulot. Effectivement, parfois, c'est un peu difficile de tout suivre. Il n'y a pas les mêmes moyens que dans d'autres sports télévisuels. Et donc, forcément, parfois, il y a quelques petites erreurs, des petits oublis, des petits cafouillages. Ça danse sur le track. 110 à 227. Oh là là. C'est Bayonne qui mène face à Tarbes. Et là, ça met un. Je crois que c'est les points. Il y a un problème de points quelque part. Il semblerait. Où exactement, je ne saurais le dire. En tout cas, c'est ça. Les joueuses et joueuses sont sur le terrain. Elles attendent tranquillement. Nous proposons une animation musicale sur Radio No Culture. Ah bon? On propose ça? Ah non! Attends, on va mettre quelque chose. Hop. On va mettre quelque chose. Il y a ça qui tournait derrière. Est-ce que tu reconnais? Ah, c'est. Dis-moi. Tu en as parlé derrière moi. Dans la boîte à gants. Ouais, je sais. Tiens, ça commence par un C. Ça commence par un C. Il y a 3 lettres, c'est pas hyper compliqué. Ouais, mais j'ai oublié le. C'est XK. C'est XK, voilà, c'est XK. Courtial X Kogan, d'ailleurs, qui vient de sortir une nouvelle chanson. Je crois que leur album sort en fin de mois. Ouais. Leur nouvel album sort en fin de mois, je crois. Il y a déjà 2 chansons, je crois. Ou alors c'est la même chanson, mais une fois en single et une fois en clip qui est sortie, je ne sais plus trop. En tout cas, allez écouter ça fort, c'est XK, Courtial X Kogan. Et nous, on va couper parce que ça va reprendre. 227 pour les contre Michel Bayonne, 110 pour les Full Metal Punket. C'est belle défense des deux côtés, ça bloque, ça ne passe pas. Ouais, on est peut-être et sur le jam. Il y a Toko Loko qui est passé en force, qui a fini par trouver une faille. Ouais. La défense de Tarbes. Machatari qui s'est fait recycler. Ouais. Machatari qui va en prison. Aïe. Il a dû jouer des mains. Voilà. Est-ce que Toko Loko va profiter pour faire Power jam, 4 points, hop, c'est réglé. Et elle colle, elle met 4 points, comme ça, elles vont démarrer certainement le dernier jam, puisqu'il reste 50 secondes. Il reste 50 secondes au compteur. Ouh là, il y a deux rouges en prison, une noire en prison. Donc elles vont commencer tout en sous-effectif. Les Bayonnaises à 4 contre les Tarbes qui seront 3. Donc voilà, et en plus en power jam pour les Bayonnaises, en power jam et à 4 contre 3. Gros avantage donc pour elles. On va voir. Et puis certainement le tout dernier jam de la partie. Parce qu'il reste quelques secondes seulement au compteur. Une fois que le compteur arrive à 0, on finit simplement le jam. Pour Raton qui prend le lead pour Bayonne, et parce qu'elle est en power jam, essayer d'engranger le plus de points possible le temps que la jammeuse de Tarbes sorte de prison. Et là, on vous rappelle que du coup en power jam, la défense de Bayonne joue pour aider sa jammeuse à passer. Voilà, on est sur le temps est terminé, donc on est sur le dernier jam de la partie. Et toutes les joueuses de Tarbes sont sorties de prison et sont de retour sur le track. Je pense que Raton va essayer d'engranger un maximum de points sur ce dernier jam. Est-ce que Machatari est passée une fois? Je crois pas. Non, pas du tout. Elle vient juste de revenir là. Ça y est, elle est passée là maintenant. Voilà. Elle a fait un star pass. Raton qui a quoi? 8 points. C'est star pass et je pense que c'est Ebapa Passé qui a le voilà. Il va penser qu'il va essayer d'aller emmerder Ratan peut-être. Oui. Voilà, c'est ça. Très bien pour tout dernier jam. Ouais. C'est toujours rigolo de voir deux jammers se percuter. Ça arrive rarement parce qu'ils sont rarement au même niveau. Alors, il va pas passer ses fers cyclés. Et Ratan a collé. Et c'est fini pour ce match. Et c'est la fin. C'est la fin de ce match. Alors combien? Score non officiel de 142 à 113. On entend quand même les gradins. Attends, ils ont pas. Score non officiel, j'ai ouais, dit. Ouais, non officiel. On attend les gradins qui encouragent encore leurs équipes. Bayonne qui ont gagné, mais aussi toujours une bonne ambiance. Écoutez, le Tarbes. Les Tarbes, ouais. Voilà, en même temps, sont pas très loin de Tarbes. Quoi, une heure et demie de route. Donc les supporters et supportrices sont venus aussi encourager leurs équipes. Et donc voilà, je pense que Tarbes peut être fier d'elle. On fait quand même un beau match, c'est un peu difficile sur la deuxième mi-temps. Ouais, on a senti la différence. Mais c'était pas dégueulasse, écoute. Quand même un score assez. Assez difficile, hein, quand même. 242 à 113 pour le score final. Qu'est-ce que t'as pensé du match, Seb? Ce à quoi je m'attendais, quoi. Je m'attendais à ce que Tarbes soit dominé assez rapidement et que l'écart de score se fasse assez progressivement mais rapidement, et ça a été le cas. Mais sinon, après, ça a été quand même propre, correct. C'était un match sympa, mais on voyait quand même la différence de niveau avec Bordeaux et Pibrac. C'était moins rapide, moins hargneux, moins fluide, comme tu disais. Ouais, voilà. Et voilà, Angola Verage qui est quand même très avantageux pour contre Vandista, qui a marqué plus de combien, presque 130 points d'écart. Ouais. 129, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais. Sur le Tsar. 129 points d'écart, c'est pas dégueulasse. Donc un avantage pour elle dans Angola Verage dans leur match interne contre le Sambé et Valen Beaches qui sont au même niveau qu'elle. Voilà, le prochain match, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est, Mathilde, le prochain match? Parce qu'on sait qu'on a les Valiant à 19h45, mais il y a un match avant. Donc du coup, il doit bien y avoir des équipes qui vont jouer qu'on n'a pas vu encore. Il y a le Sambé qui va jouer, le Sambé de Mérignac contre les Porcelain Dolls de Limoges. Porcelain Dolls qu'on a déjà vu tout à l'heure, ce matin avec Guichente. Donc ça va être le deuxième match de la journée des Porcelain Dolls. Ça va être difficile pour Porcelain Dolls qui sont plutôt dans le bas du... Bah, le tableau, elles sont 6e, je crois, juste devant Tarbes et Seagulls. D'accord. Alors que le Sambé, elles sont plutôt en haut du tableau. Elles sont 3e, je crois, à égalité en termes de match avec les Valiant et Bayonne. Avec Bayonne maintenant, parce que Bayonne vient de gagner ce match-là. Ouais, ouais. Donc elles passent devant. Mais en termes de Guadrach, c'était bien elles, les premières. Donc un match, a priori, à l'avantage du Sambé. Ok. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Du coup, en termes de position sur le classement, c'est un peu le qu'on vient de voir, qu'on va revoir peut-être. Ouais, je pense qu'on va avoir peut-être un match un peu du même niveau. Et on va voir ce qui va se passer. Ça va être à 17h30. Donc le Sambé de Mérignac contre les Porcelain Dolls de Limoges. Et voilà, à tout à l'heure, Seb. À tout à l'heure.